En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. On va parler avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, écoute, le Canadien est en visite avec à Nashville hier. Je veux te conter une petite anecdote que Chantal McCabe a contée au 91.9. Puis, tu sais, c'est des petites choses qui paraissent pas, mais qui peuvent avoir bien des incidences. Elle parlait de Shea Weber, du leadership que Shea Weber impose dans le vestiaire. C'est Victor Mété qui racontait à Chantal McCabe que lorsque il a été transféré à Laval, 5-6 fois par jour, Weber envoyait des textos à Mété pour lui dire de ne pas se décourager, qu'il va revenir, qu'il est juste là que temporaire et ainsi de suite. C'est des petites choses, des petites attentions que semble-t-il qui ont plu beaucoup à Victor Mété. Puis quelque part, c'est depuis qu'il est revenu à Montréal, il joue du bon hockey, puis c'est peut-être ça a peut-être une incidence, hein? Ah, il y a aucun doute là-dessus. Écoutez, un gars d'expérience qui, dans une équipe, qui joue le rôle de leader, je pense que c'est un peu ce que Shea Weber doit jouer avec les Canadiens de Montréal. D'ailleurs, dans la transaction quand on a échangé Piqué Souben, c'était le rôle que Piqué Souben n'assumait pas à Montréal. Mm-hmm. Piqué, on connaît, même là-bas, on voit que c'est pas lui qui a le rôle de leader. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de distraction extérieure à sa vie personnelle et tout. Donc, il n'est pas nécessairement le genre de leader que les équipes de hockey ou les équipes de baseball ou même de football ont besoin. Et quand je parle de Shea Weber, on sent que ce gars-là, il amène un respect dans le vestiaire. On sent également que les joueurs le respectent énormément, la façon également qu'il se comporte. Et c'est sûr qu'un gars comme un jeune joueur qui arrive dans le vestiaire puis qui voit un vétéran comme ça qui s'occupe de lui. Et moi, je pense que dans le cas de Mété, il avait besoin. Il a joué à Montréal, il a joué toute la saison complète. À un certain moment, on l'a retourné dans les mineurs. Et là, tout le monde se posait la question, est-ce que c'est un vote de non-confiance ou pas? Mais quand un vétéran te dit, il n'y a rien là, tu vas revenir, c'est strictement une question de un peu de remise en forme, de reprendre confiance et tout, ça doit donner sûrement, je pense, une dose de confiance à un jeune joueur comme Mété. Et je pense que c'est un peu le rôle que Shea Weber a actuellement chez les Canadiens de Montréal. Et je pense que c'est pas tout le monde qui est capable d'assumer ça. Exemple, ouais. Carey Price, qui est pas un extraverti, ne peut pas, probablement pas assumer ce genre de rôle-là. Mais Shea Weber le fait très bien. On le voit dans son comportement, sa façon de faire. Et moi, personnellement, je pense que depuis qu'il est revenu avec le Canadien n'est pas la même équipe, même s'ils ont connu un certain succès. Sans que Weber soit là avant qu'il revienne à l'action au mois de décembre. Mais Phil, tu es d'accord avec moi, là, Weber, quand il joue, il fait pas mal pareil de Marc Bergevin, le problème, depuis cet échange-là, tout le monde l'analyse encore, puis c'est parce que Weber a quasiment pas joué, a joué beaucoup moins de matchs. Hein. C'est juste ça. Mais je veux dire, ce genre de transaction-là qu'on analyse, tu sais, si on analyse dans 5 ans, c'est sûr que Weber va être retiré, puis probablement que Seaboon va jouer encore au hockey. À ce moment-là, peut-être que Marc Bergevin va mal paraître. Mais à l'inverse, Marc Bergevin, quand il a fait cette transaction-là, son rôle était très important en disant « Weber, on en a besoin parce qu'il faut gagner rapidement. » Sauf que ça ne s'est pas nécessairement concrétisé. Mais au moment où je te parle, actuellement, le Canadien est à rebâtir avec de jeunes joueurs, avec beaucoup de joueurs qui arrivent de l'extérieur. Et je pense qu'un gars comme Weber, qui est bien installé, bien implanté, puis qui a le respect également de tous ses coéquipiers, ben, joue encore un rôle beaucoup plus important. Pas nécessairement pour gagner la Coupe Stanley, mais pour permettre à ces jeunes de progresser, de prendre confiance, et l'équipe également de gagner de façon régulière. Parce que, Danny, il y a une chose qui est sûre dans le sport. La meilleure méthode d'apprendre et de bien apprendre, c'est jouer avec une équipe qui gagne de façon régulière. À partir de ce moment-là, t'es pas, tu, t'as, t'as pas une mentalité de perdant, une mentalité de gens qui sont dérangés souvent par toutes sortes de choses. Alors que quand une équipe gagne régulièrement, on sent que cette équipe-là prend confiance, les jeunes joueurs performent, et la responsabilité ne vient pas nécessairement à ces nouveaux joueurs. Et on le voit très bien. Moi, je regarde les défenses du Canadien, je regarde ça, puis je me dis, il n'y a pas de grands joueurs. Il y a Petrie qui est un bon joueur, puis il y a Shea Weber. À part de ça, les autres, là, c'est des joueurs qui sont ordinaires ou des jeunes joueurs qui apprennent leur métier, et je pense qu'un gars comme Weber assume bien son rôle actuellement. Je m'attends pas à de grands changements, moi. Cette semaine, on a fait des échanges chez le Canadien, des Louis Thompson également pour le quatrième trio, mais je m'attends pas à de grandes affaires. Je pense que la chimie, c'était... Oui, hein? Il y a une chose aussi, c'est que d'abord, il n'y a pas de tonnes de joueurs de premier plan qui vont être disponibles. Ceux qui vont être disponibles, il va y avoir plusieurs acheteurs et je pense pas que le Canadien est prêt à payer le gros prix. Surtout que le Canadien, bon, il y a 10 jours, je t'aurais dit que le Canadien va se lancer parmi... Mais là, actuellement, les dernières semaines, Buffalo s'est remis à gagner, Caroline s'est remis à gagner, Boston s'est remis à gagner. Donc, ces équipes-là grugent avec le Canadien. Au moment où je te parle, le Canadien, sa priorité de 5 points, c'est pas ce qu'on appelle une sécurité pour être assuré de participer aux séries, là. Il va falloir continuer de performer, de bien jouer. Je regardais le calendrier des Canadiens pour finir la saison. Il est pas si évident que ça. Ils jouent plus de matchs sur la route qu'au Centre Bell. C'est toujours plus difficile de gagner. Contre l'Est actuellement est très, très, très, très compétitif en plusieurs formations qui veulent faire les séries. Donc, moi, je pense que Bergevin va être prudent. Le Canadien répond mieux que tout le monde l'aurait cru au départ. Mais je pense pas que nécessairement que le Canadien va bouger. Là, on a amené une certaine profondeur qu'on avait besoin au niveau du quatrième trio. Des gros bonhommes, des gars d'expérience. C'est un peu ce que, probablement, son coach lui a dit, j'ai besoin de grossir mon quatrième trio, parce que quand ça va arriver dans les séries éliminatoires, si on fait les séries ou en fin de saison, ça prend des joueurs beaucoup plus physiques, des joueurs beaucoup plus impliqués physiquement et de grossir également l'expérience qu'ils ont dans ce club-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Et moi, je pense que c'est un peu l'arrivée de Dale Wills et de Thompson va aider le Canadien de ce côté-là. Phil, je veux te parler du baseball, mais du marché du Rotterdam, pas du baseball, pas nécessairement de ce qui se passe, pas du tout. Bryce Harper et ainsi de suite, j'en parle avec mes spécialistes de baseball. Je veux te parler plutôt de... Penses-tu que ce qu'on voit dans le baseball, les Bryce Harper, les Manny Machado, qui n'ont toujours pas signé le contrat, c'est des gros joueurs vedettes, on attendait beaucoup, beaucoup d'argent. Penses-tu que ça va se transférer dans le hockey éventuellement? C'est sûr que le 1er juillet dans le hockey, il n'y a pas ces vedettes qu'on trouve dans le baseball. Par contre, il y a des signatures qui sont beaucoup trop grosses. Là. C'est toujours une question comment les propriétaires se respectent entre eux. Un certain moment, parce qu'au baseball majeur, c'est un peu différent du hockey. Il y a des marchés tellement gros. Je vais te donner un exemple. Les Dodgers, les Red Sox, les Yankees, Saint-Louis, même Chicago. C'est des marchés gigantesques avec énormément d'argent, beaucoup de droits de TV, beaucoup de droits de radio. La Ligue nationale de hockey n'a pas ce décalage aussi important entre certaines formations. Au baseball, tu sais, les Yankees donnent 10 millions à un joueur, ça ne dérange pas, 15 millions, 20 millions, ça ne dérange pas. Parce qu'ils ont tellement d'argent. Boston fait la même chose. Les Dodgers peuvent faire la même chose. Alors qu'au hockey, on n'a pas ce genre de marché-là. Tu sais, je regarde en Floride, il n'y a pas de monde. Je regarde également à Caroline, c'est ordinaire. Les Islanders de New York, c'est la même chose. Ces équipes-là ne peuvent pas se permettre de signer. D'après de ça, les Islanders, l'année passée, ils ont décidé de dire... Même si Tavares est un joueur vedette ou n'importe quoi, on l'a laissé aller. Pourquoi? Parce que ça coûtait un peu trop cher pour signer ça. Au baseball, est-ce que les propriétaires ont décidé maintenant, je regarde les masses salariales, 250, 275 millions quasiment par année, c'est pas tous les marchés qui peuvent faire ça. On parle de Montréal qui pourrait effectuer un retour. Montréal ne pourrait jamais, n'aura jamais le marché pour signer des joueurs autonomes à 15 puis 20. C'est pas rare d'avoir un... l'année passée, je regardais... Martin, notre Québécois, gagnait 14 millions, il frappait 220, et il était rendu deuxième receveur à la fin de la saison. Par contre, ça va être les Rays améliorés, je l'ai toujours dit, les Expos s'y reviennent, ça va être les Rays avec un peu plus d'argent. Exactement, ça va être ça. Ça va être une équipe qui va attirer son monde, qui va avoir une certaine popularité parce que le monde des Québécois veulent avoir du baseball, puis là, il y aura une opportunité d'avoir du bon baseball, mais ça demeure que on ne pourra pas rivaliser avec les grands marchés. Maintenant, est-ce que les nouveaux, les gros marchés ont décidé de dire on va être plus prudent, parce que, tu sais, signer des gars à 20 millions, puis à 15, puis 18, puis 20 millions, là, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre ça, mais au baseball, il y a 4-5 clubs qui peuvent non, se permettre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars comme Carl Asner, ça coûte cher, là. Tu sais, des Shea Weber, c'est très cher, il joue bien, mais par contre, plus ça va aller, plus ça va être difficile. Mais Asner, là, à Montréal, là, c'est le mauvais exemple, parce que, rappelle-toi, quand il a signé le Canadien à 4,5 millions pendant 5 ans, il y avait 5-6 clubs qui étaient prêts à signer, là. Ouais. Tu sais? Ah, il y avait 15 clubs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs sur le marché autonome qui avaient l'expérience et le vécu qu'il y avait. Moi, je ne blâme pas nécessairement Bergevin. Ça a été une grande déception, tu sais, quand tu regardes ça. Moi, je vais vous donner un autre exemple. En début d'année, quand j'ai vu John Tavares signer comme joueur autonome avec les Islanders de New York, j'ai dit, c'est pauvre Islanders, ils n'ont plus de joueurs vedettes, ils n'ont plus rien. Tu regardes les Islanders cette année, ils vont où, tu penses? Ils vont être dans les séries éliminatoires, connaître du succès sans leurs joueurs vedettes, là. Alors qu'à Toronto, on y mettait deux longueurs d'avance. Ils se battent actuellement pour terminer deuxième ou troisième dans leur section. Ils se battaient avec le Canadien pas plus tard que la semaine dernière, là. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Souvent, un joueur vedette, oui, tu vas le payer le gros prix, mais à quelque part, est-ce qu'il va toujours donner le rendement? Au baseball, c'est un peu ce qu'ils vivent actuellement. Il y en a qui ont déçu aussi des gros contrats. Il y en a d'autres qui ont bien performé, puis il y en a d'autres qui ont... Ils ont déçu, surtout au niveau des lanceurs. On a donné des 15, des 20 millions à des lanceurs qui lancent à peine une moyenne de 500, donc autant de victoires, autant de défaites. Ouais. Ça devient un peu plus compliqué pour les propriétaires de signer des joueurs à long terme maintenant. Phil, on s'en parle vendredi prochain. Merci. Commentaire de Phil.